Vous écoutez France Culture. La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Cinquième et dernier épisode. La guerre. Delphine quitte Auckland pour la baie des îles, où l'explorateur Marion Dufresne et son ancêtre ont vécu avec les Maoris, 2 mois durant, en 1772. Elle s'installe dans un hôtel au bord de l'océan, devant la baie de Manawaora, où Marion aimait pêcher et chasser. Elle reprend la lecture des journaux de l'expédition. Les récits des officiers tournent au drame. Marion et son escorte ont disparu, assassinés par le chef Takuri, en qui Marion avait toute confiance. Delphine reçoit un message de la bibliothèque Turnbull qui a retrouvé le manuscrit avec le seul récit maori connu sur ses premiers contacts. Le manuscrit révèle comment Marion a violé le tapou de la mort et comment cette profanation a déclenché une suite de réactions violentes chez les habitants. Delphine se rend alors à Waitangi pour donner au chef Kingi le pendentif rapporté par son ancêtre. Elle est reçue solennellement dans le Marae, la maison de la communauté. Les anciens Nakpui ont refusé de recevoir le pendentif. Leur décision ne me surprend pas. Les tribus maoris s'inscrivent dans un système généalogique puissant, le Whakapapa. Et ce pendentif a peut-être appartenu à un ancêtre Naktipu, et pas Nakpui. Il est pour eux doté de Mori, la force vitale qui transcende le temps et relie les générations d'hier à celles d'aujourd'hui. Il véhicule le prestige de l'ancêtre à qui il était destiné, et sans information sur cet ancêtre, le retour du pendentif à la terre natale se révèle plus compliqué que prévu. Avant de repartir, je dis à Kingi que c'est un rêve qui m'a conduite à Waitangi. J'ai rêvé de lui, mais il était jeune et son visage ne portait pas encore le moko. Kingi me demande alors de regarder ses lèvres. Je vois qu'elles ne sont pas tatouées. Je lui demande pourquoi. You have nothing inside. Vous n'avez rien à l'intérieur. Rien à l'intérieur. It's still a story. Cela raconte une histoire. The story is this. L'histoire est celle-ci. I walk into the room, quand j'entre dans une pièce, room, people identify me, les gens m'identifient as a speaker. Comme le porte-parole. Words going in the mouth, coming out here. Ce qui vient de l'intérieur. And so people look at, les gens regardent. I don't write it up here or I don't say, je ne l'écris pas sur mon front et je ne dis pas je suis le porte-parole. Here comes the speaker. Voici le porte-parole. And so when I stand up, I start quand mentioning je me lève, my mountains, je mentionne my rivers, ma montagne, my marae, ma rivière, so I stand up in a meeting, in et a mon marae. Big meeting of a group of je suis dans une grande réunion au milieu de gens de tribu. Which means, ce qui signifie, I don't say who I am, which means, je ne dis pas qui je suis. Pauwerua is my mountain. Pauwerua est ma montagne. Waitangi is my river. Waitangi est ma flows, rivière. It flows and flows. Elle coule. And it hits the banks. Et elle frappe les rives my marae, de mon marais. The marae, so they say, alors ils disent, I know where it comes from. Je sais d'où il vient. Les mokos sont comme une écriture, il faut savoir les déchiffrer. Enseigne de vaisseau au roux, 15 juin 1772. J'ai le projet d'attaquer les natifs sur la montagne de l'île Marion et le 14 juin, à midi, je reçois l'ordre d'agir. Je choisis 26 hommes dont je peux être sûr. Je leur fais prendre à chacun un sabre, un fusil, une paire de pistolets de ceinture avec 40 coups à tirer. Aussitôt que les naturels nous voient gravir la montagne, ils se retranchent dans leur village fortifié. Le village est situé sur l'extrémité d'une presqu'île qui s'avance dans la mer. Il est inabordable à cause des précipices qui l'entourent et il est entouré de 3 rangs de palissades. J'y suis allé plusieurs fois. Seul un petit sentier permet d'y accéder. Nous ne sommes plus qu'à une demi-portée de mousquets du village que 2 chefs sortent pour nous lancer des flèches. Nous tirons et l'un reçoit un coup de fusil à travers le corps. Les naturels ont alors recours à une ruse. Il jette de l'eau sur le sentier pour nous faire glisser. Nous faisons un feu très vif. Les palissades arrêtent nos balles, mais nous avons un avantage considérable. Quand ils se montrent à découvert, nous pouvons les ajuster. Le cinquième chef qui se montre donne un violent coup de lance au sergent près de l'œil. Ce chef est presque aussitôt tué. C'est le dernier qui apparaît. Ensuite, nous forçons la porte et nous nous battons encore avec quelques naturels qui couvrent la retraite des leurs. Un coup de lance me blesse à la cuisse. Nous nous lançons à la poursuite des fuyards qui se jettent dans leurs pirogues. Nous faisons plusieurs décharges et c'est à cet endroit que nous faisons le plus grand carnage. Rien ne nous empêche de les ajuster et ceux qui se trouvent en bas des remparts sont tués ou noyés. Environ 450 hommes défendaient ce village et seules deux grandes pirogues en ont réchappé. À la mort du dernier de leurs chefs, ces naturels nous ont fait voir qu'ils ne résistent plus quand ils ne sont pas commandés. Ils ont pensé sans doute que c'est la même chose chez nous et qu'en tuant Marion, il leur serait facile de nous réduire. Lieutenant Second Ledez. Cette affaire aura inspiré de la crainte aux natifs. Le petit nombre que nous sommes, la supériorité que nous avons sur plusieurs centaines d'hommes bien retranchés, les preuves qu'ils viennent de faire de nos fusils qu'ils ont cru n'être propres qu'à tuer les oiseaux, les auront persuadés que nous sommes dans la résolution de nous venger et qu'ils ne peuvent pas nous attaquer sans courir de grands risques. Cette affaire nous fait aussi connaître qu'il y a parmi eux beaucoup de braves gens qui ne craignent pas la mort. Nous relevons les tentes et transportons nos effets à bord. Nous tirons aussi quelques coups de canon sur les pirogues pour leur montrer que nous pouvons les atteindre. Tous ces jours derniers, nous continuons nos travaux, assez contents de leur progrès. Le village détruit nous fournit tout le bois à feu dont nous avons besoin. Les Zélandais, qui ne sont pas parus sur l'île depuis la prise du village, tentent de nous surprendre. Ils sont une cinquantaine cachés dans les broussailles. Nos sentinelles les aperçoivent et tirent. Nous en tuons 9, dont un chef. Garde de la marine du Clemeur. Je suis contraint d'abandonner les mâts neufs que nous n'avons pas eu le temps de tirer jusqu'à la mer. Ce sacrifice me coûte d'autant plus que mon vaisseau n'a que son grand mât. Je fais établir une forge à bord du Mascarin et tous nos charpentiers s'occupent de la mâture. Pendant qu'ils travaillent, le reste de l'équipage fait du bois et de l'eau. Lieutenant Second Ledez, 7 juillet 1772. À 8 h du matin, nous attaquons le village de Takouri qui est l'auteur de cette catastrophe. Nous sommes 56 personnes à débarquer sur la Grande Terre, dont 6 officiers. Personne ne s'oppose à notre descente. Nous montons au village, laissant 2 officiers avec 12 hommes pour nous couvrir au cas où nous serions repoussés. Le village est considérable et pour cette raison moins fortifié que les autres. Les habitants l'ont abandonné à notre approche. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison, 7 juillet 1772. Nous brûlons les villages de Takouri et de Piquioré. On y a trouvé des ferrures et des avirons de bateaux, la majeure partie des vêtements de ceux d'entre nous qui sont tombés sous les coups, beaucoup de leurs ossements, dont un de la cuisse, qui a été rongé. Enseigne de vaisseau Roux, 8 juillet 1772. Dans la maison de Takouri, on a trouvé une tête d'homme au bout d'un poteau planté dans le milieu de la chambre. Cette tête a été cuite. Il n'y a pas lieu de douter après cela que les insulaires soient anthropophages. Mais ces peuples n'exercent cette barbarie que de vainqueur à vaincu. Nous en avons rencontré plusieurs auparavant qui portaient pour parure à leur col et à leurs oreilles des dents humaines. Pour ce qu'ils font de leurs prisonniers, ils me l'ont très bien expliqué. Quand ils les ont en leur pouvoir, ils les tuent. Et les démonstrations qu'ils m'ont faites m'ont donné tout lieu de croire qu'ils mangent leur ennemi. Voyant que cela me révoltait, un chef s'est mis à rire en continuant à m'affirmer ce qu'il venait de me dire. Kingi a esquivé ma dernière question sur la mort de Marion mangée par Takouri. Le sujet est sensible encore aujourd'hui dans le Pacifique, car le cannibalisme a nourri abondamment notre imaginaire occidental. On en a surestimé la pratique, et cet usage nous a permis de croire pendant longtemps à notre supériorité. Le 10 octobre 1993, Claude Lévi-Strauss écrit dans le journal italien La Repubblica « Nous sommes tous des cannibales », texte qui a été réédité dans les cahiers de Lerne consacrés à l'anthropologue. En voici un extrait. Certains diront que c'est l'appétit bestial pour la chair humaine qui rend le cannibalisme horrible. Ils devront alors restreindre cette condamnation à quelques cas extrêmes et soustraire de la définition du cannibalisme d'autres cas attestés où il s'impose comme un devoir religieux, souvent accompli avec une répulsion qui se traduit par des malaises et des vomissements. Aucun ethnologue sérieux ne conteste la réalité du cannibalisme. Mais tous savent qu'on ne peut le réduire à sa forme la plus brutale consistant à tuer des ennemis pour les manger. Le cannibalisme peut être alimentaire en période de pénurie, politique, en châtiment des criminels ou par vengeance contre des ennemis, magique, pour assimiler les vertus d'un défunt ou au contraire pour éloigner son âme, rituel, s'il relève d'un culte religieux pour une fête des morts ou pour assurer la prospérité agricole. Il peut enfin être thérapeutique, comme l'attestent de nombreuses prescriptions de la médecine antique. Et en Europe même, dans un passé qui n'est pas si lointain, les injections d'hypophyse ou les transplantations d'organes devenues pratiques courantes aujourd'hui relèvent de cette dernière catégorie. Si variées sont les modalités du cannibalisme, si diverses ses fonctions réelles ou supposées, qu'on en vient à douter que la notion de cannibalisme, telle qu'elle s'emploie couramment, puisse être définie de façon précise. Lieutenant Second Ledez, 10 juillet 1772. Nos vaisseaux réparés et en état de tenir la mer, il nous reste un parti à prendre. Soit la continuation du voyage, soit le retour à l'île de France. Nous n'avons trouvé dans les papiers de M. Marion aucune instruction pouvant nous guider. Alors les capitaines ont demandé l'avis des états-majors. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. 10 juillet 1772. Le 10 juillet, les états-majors sont assemblés et on confère sur la route à prendre. 1. Nous avons perdu les meilleurs matelots des deux vaisseaux. 2. Nous avons perdu 3 ancres et 3 câbles. 3. La mâture du Castries a été réparée à bord et est faite de 19 pièces et morceaux. Elle ne peut avoir la solidité d'un nouveau mât. 4. Nous avons des vivres seulement pour 8 ou 9 mois en admettant qu'elles soient bien conservées. 5. Une grande partie de nos gens est scorbutique. Pour ces différentes raisons, nous décidons de retourner à l'île de France par la voie la plus courte, toucher chemin faisant aux Manilles pour rafraîchir les équipages et caréner les vaisseaux. Lieutenant Second Ledez, 11 juillet 1772. Monsieur Duclémeur prend le commandement des deux vaisseaux et fait faire une prise de possession au nom du roi du port que nous avons appelé Port Marion et de toute la côte que nous avons parcourue. Monsieur Marion avait nommé cette terre la France australe. Nous dressons un acte signé des états-majors que nous enfermons dans une bouteille mastiquée et nous l'enterrons à 50 pas du bord de la mer et à 10 pas du bord de la rivière. Nous gardons un double de cet acte à bord du vaisseau. « Garde de la marine Duclémeur. » Le jour de notre départ arrive enfin et c'est le 13 juillet que nous quittons la côte de Nouvelle-Zélande. Quoique nous ayons des preuves assez fortes de l'assassinat de M. Marion, je désirais ramener avec nous un jeune Zélandais duquel on aurait pu tirer beaucoup d'éclaircissements. Mais il n'a pas été possible d'en attraper un. Capitaine en second Crozet. Si nous étions repartis plus tôt de Nouvelle-Zélande, nous serions revenus avec une impression très favorable de ces sauvages. Nous les aurions décrits comme les hommes les plus aimables, les plus hospitaliers et les plus humains de la terre. Les écrits philosophiques qui louent le bon sauvage auraient triomphé, car leurs spéculations auraient été confirmées par les récits des voyageurs. Mais nous nous serions trompés. Lieutenant Second Ledez. Monsieur Marion, aussi hardi navigateur que zélé patriote, s'était offert pour remplir les vues du gouvernement. Et après avoir surmonté maintes difficultés pour un particulier dont les moyens sont toujours insuffisants pour un armement de cette nature, après une traversée aussi dure que périlleuse, il a été obligé de chercher un port pour y réparer ses vaisseaux. Il l'a trouvé, et un peuple en apparence sociable. Tout jusque-là semblait lui présager la plus heureuse réussite, mais il n'en était que plus près du naufrage. Voyageant en sage, il ne se bornait pas à la simple connaissance des côtes. Il s'appliquait autant à connaître les hommes que la terre qu'ils habitent. Marion se plaisait à converser avec eux. Enfin, il les étudiait autant qu'il croyait pouvoir le faire sans se compromettre. Peut-être dira-t-on qu'il a mal réussi, qu'il s'est exposé imprudemment. Sa triste fin autorise ses propos, mais qui ne l'eût pas fait comme lui? Lorsque ses peuples le voyaient venir, ils l'appelaient par son nom, le célébraient même dans leurs chansons, venaient le chercher à son bord. Et c'est occupé à cette étude dont il faisait son unique délassement qu'il est mort, victime de leur perfidie. Quel est le vrai caractère de ces peuples? Je ne pense pas qu'ils aient conspiré contre nous dès notre arrivée. L'entreprise était trop forte. Je suis même persuadé que le bon accueil que nous en avons reçu, quoique produit par l'intérêt, était sincère. La grande familiarité où nous vivions avec eux aura commencé à diminuer la distance qui nous séparait. Ils ont d'abord volé quelques bagatelles, puis, devenus plus hardis, ils ont projeté de s'emparer du tout. Quelques sujets de mécontentement se seront joints à ces vues d'intérêt, et voilà la conspiration formée. Nous ne sommes plus que des hôtes dangereux dont il faut se défaire. Nous regagnons tristement nos îles. À peine avons-nous quitté ce peuple barbare que le scorbut, maladie d'autant plus cruelle qu'elle est sans remède en mer, nous met à deux doigts de notre perte. Enfin, nous trouvons notre salut aux îles Mariannes. De là, nous nous rendons à l'île de France et nous y arrivons après 17 mois d'absence, ayant parcouru la demi-circonférence de la Terre. Enseigne de vaisseau roux. À Monsieur le Comte de Maurepas, ministre d'État, Paris, le 12 mai 1776. L'envie que j'ai toujours eue, ainsi que tout bon citoyen, de me rendre utile à ma patrie et de mériter un jour quelque avancement, ce qui est le but commun à tous les hommes, me fait vous présenter aujourd'hui le précis du journal d'un voyage que j'ai fait en terre australe, sous les ordres du feu seigneur Marion, chevalier de Saint-Louis, capitaine de Brulot et ancien capitaine de la Compagnie des Indes. Je m'en serais cru dispensé s'il avait vécu, parce qu'il était un des hommes les plus propres à être chargé d'une opération aussi pénible et à en rendre un compte exact. Il n'aurait sans doute laissé rien à désirer sur le détail de nos découvertes, ni sur l'exposition des avantages qu'on pourrait en tirer. Comme il se pourrait que le gouvernement n'en ait pas été instruit bien exactement, oserais-je me flatter, monseigneur, que vous verrez avec bienveillance les efforts que je fais pour y suppléer, par un récit sincère et bien circonstancié de tout ce que ce voyage offre de plus intéressant. Je serais au comble de mes vœux si mes travaux et ma conduite pouvaient vous paraître mériter assez, et pour vous engager à me faire obtenir le poste de lieutenant de frégate. Une pareille faveur me ferait redoubler de zèle dans tout ce en quoi je pourrais avoir le bonheur d'être employé par la suite. Aspirant Roux. Lieutenant second Ledez. La route que nous avons faite, les terres que nous avons vues, les peuples chez qui nous avons vécu, sont trois objets bien capables d'exciter la curiosité. Je n'ai pas assez d'amour-propre pour oser me flatter que mes remarques soient justes. Je vais essayer de dire ce que j'ai vu, ou plutôt ce que j'ai cru voir, sans craindre de causer de l'ennui, persuadé que rien de ce qui regarde l'humanité en général ne nous est indifférent, et qu'on ne saurait jamais trop s'étendre quand il s'agit de faire connaître une espèce d'homme jusqu'alors inconnu. J'ai réuni ici quelques notes sur le climat, le bois, les minéraux, les habitants, d'après lesquels on pourra se former une idée de ce pays. Le port Marion. Il est situé par 35 degrés de latitude méridionale et 162 degrés 34 minutes à l'est du méridien de Paris. Nous y avons demeuré du 9 mai au 13 juillet 1772, à la plus grande force de l'hiver. Le froid ne s'y est pas fait sentir plus qu'en France au commencement du mois de mai. Le pays est couvert de bois de différentes espèces et propres au charpentage et à la construction. On voit communément des arbres de 70 à 80 pieds de hauteur sur 9 à 10 de circonférence. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grands. Les Zélandais en font des pirogues. Ce bois m'a paru excellent pour la mâture. Il est résineux, léger comme le sapin. Il distille une résine qui prend la consistance d'une gomme arabique qui s'enflamme facilement et répand en brûlant une odeur agréable. Les Zélandais. Ils sont d'une couleur entre le brun et le jaune. Ils ont les cheveux plats, noirs et assez doux. Ils ne les portent pas longs. La plupart se les attachent sur le haut de la tête. Plusieurs se les frottent d'ocre rouge broyée dans de l'huile de poisson. Il y en a aussi qui se frottent tout le visage. Ils ont la jambe bien faite et le pied de même. Je n'en ai vu aucun qui était estropié ou qui ait eu un défaut naturel. Ils m'ont tous paru jouir d'une bonne santé et d'une complexion robuste. Parmi les vieillards qui étaient en grand nombre, plusieurs, à en juger par les rides qu'ils avaient, devaient être extrêmement vieux. Ils avaient les cheveux très gris et la barbe aussi, qu'ils nous demandaient souvent de couper. En général, leur habillement est une sorte de natte de jonc plus longue que large, qu'ils attachent sur leurs épaules comme un manteau et qui descend jusqu'aux genoux. Cela est lourd, mais impénétrable à la pluie. Il m'a semblé qu'ils avaient une certaine honte à se tenir en cet état devant nous, car ils se tenaient dans une posture tout à fait gênante afin de cacher leur verge en plus. Une dizaine d'années après les voyages du capitaine Cook et de Marion Dufresne, à Aotearoa, le pays aux grands nuages blancs a changé à jamais. Des habitants sont morts de maladies infectieuses ou tués par des fusils. Des cochons, des poules, des chèvres, des rats ont été introduits, ainsi qu'une variété de plantes européennes. Des femmes sont devenues des objets sexuels pour le troc. Des enfants métis sont nés. La rivalité entre les tribus s'est accentuée pour posséder le fer et les fusils. À la fin du 19e siècle, la population maori a diminué de plus de moitié et l'idée que les maoris pourraient bientôt disparaître n'était pas seulement une hypothèse académique. J'ai dit adieu au pendentif et j'ai signé le contrat de donation au musée d'Auckland. Rhonda, la conservatrice, m'a invitée à déjeuner. Elle me demande comment s'appelait mon ancêtre. Je lui réponds que je n'en sais rien. C'était un simple marin et le nom des matelots ne figure pas dans les journaux de bord du Mascarin et du Castries. Elle me regarde tristement, car je ne connais pas la généalogie qui me relie à mes ancêtres. Je la console, car c'est mon ancêtre, ce matelot inconnu, qui m'a conduite aujourd'hui au bout du monde, à Aotearoa, le pays aux grands nuages blancs. C'était La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Cinquième et dernier épisode. La guerre. Une émission proposée par Emmanuel Chevrière. Avec Delphine Morel, la narratrice. Gérard Boucaron, capitaine en second Crozet. Bruno Paviot, enseigne de vaisseau roux. François Hatte, garde de la marine du Clémeur. Nicolas Raca, lieutenant Ledez. Et les voix du chef Kingi, de Marina Mancade et d'Emmanuel Lemire. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Pierrick Charles. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Les extraits de journaux de bord de l'équipage du marquis de Castries et du Mascarin sont issus des Archives nationales de France, des archives de la famille Bougainville et des Archives nationales de Tasmanie.